En Corée, la cérémonie d'inauguration de la colonie de vacances de Yeonpungo réaménagée a eu lieu le 5 juin. Y ont pris part les cadres intéressés, les constructeurs, le personnel, les campeurs, ainsi que les habitants de la ville de Kaesŏn. La colonie de vacances, construite de façon particulière, conformément au beau paysage du lac Yeonpung, a les conditions nécessaires, comme le bâtiment contenant la salle d'éducation du patriotisme Kim Jong-il, plus de 20 salles à coucher et la salle de jeux électroniques, la maison et la cour. Le même jour, le campement du premier cycle a commencé.